Bon après-midi, merci d'avoir choisi Maxi France, il est 14h. Maxi France, www.maxifrance.fr, c'est 24h sur 24, le meilleur de la chanson française, des années 80 à nos jours. Et tout de suite, on va faire un petit point sur l'information avec le flash info de Sophie Saran. Sophie, bonjour. Bonjour à tous. La prise de parole de Jean Castex, le Premier ministre, s'exprimera ce soir à 18h. Nouvelle conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus. Le reconfinement ne serait pas encore à l'ordre du jour. En revanche, Jean Castex pourrait sonner la mobilisation générale et demander une nouvelle fois aux Français de respecter scrupuleusement les gestes barrières et le couvre-feu. Jean Castex serait notamment accompagné de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Les entreprises seront vivement encouragées à renforcer le télétravail alors qu'un relâchement est constaté. La situation épidémique, elle, semble plutôt sous contrôle, même si on se situe sur un haut plateau et que les services de réanimation sont sous tension. La diffusion des variants est particulièrement surveillée, des variants qui représentaient 14% des contaminations la semaine dernière contre 3% début janvier. Une circulation qui augmente, mais qui n'est pas explosive, selon le professeur Bruno Linard. Emploi, services, public, précarité, les syndicats dans les rues cet après-midi à travers la France. À Paris, le cortège vient de s'élancer de la place de la République. Selon les manifestants, le plan de relance du gouvernement n'est pas à la hauteur, en pleine crise sociale provoquée par l'épidémie. Le tabac et l'alcool cible d'Emmanuel Macron pour lutter contre le cancer. Le chef de l'État souhaite une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Il promet également des avertissements plus visibles contre l'excès d'alcool sur chaque bouteille. Le Lot-et-Garonne reste en vigilance rouge au cru. La décrue commence doucement, mais le phénomène va encore durer plusieurs jours, en particulier dans le secteur de Marmande. De nombreuses routes sont toujours coupées. La préfecture ne déplore pas d'accidents graves ni de décès. Par ailleurs, 15 départements sont en vigilance orange. Du Maine-et-Loire-Hollande en passant par le Tarn-et-Garonne, les Hauts-de-France sont aussi concernés, tout comme la Saône-et-Loire. Et puis en rugby, on connaît le visage du 15 de France qui affrontera l'Italie samedi pour le premier match du tournoi Destination. Le Rochelais Brice Dulin est confirmé au poste d'arrière. Teddy Thomas et le jeune Gabin Villière débuteront aux ailes. Mathieu Jalibert formera la charnière avec Antoine Dupont. Voilà pour l'actualité, bel après-midi à tous. Merci Sophie, on vous retrouve tout à l'heure à 18h. Maxi France. La radio qui vous fait chanter en français.